France Inter. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bible des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, c'est Olivier Ruiz. Je vais vous raconter l'histoire des fées des courgettes. Il était une fois un merveilleux petit garçon qui s'appelait Noni. Noni était un enfant très sensible et passionné. Il s'intéressait aux autres et avait de nombreux amis. Un lundi soir, après avoir pris son bain et joué un long moment, Noni se mit à table avec sa maman. « J'ai cuisiné l'un de tes plats préférés, » dit-elle, « des épinards à la crème en gratin. » « Non, maman, ce n'est plus mon plat préféré. Mon petit popo, il n'aime pas les épinards. Alors moi, ben je n'aime plus les épinards. » La maman de Noni resta bouche bée. « Mais enfin, mon chéri, toi tu adores les épinards. »« Non, maman, je n'aime plus, comme mon copain Hippopo. » Elle insista un peu, puis se rendit vite compte qu'elle ne le ferait pas changer d'avis. Noni mangea très peu du coup ce soir-là, et une bonne partie de la nuit, son ventre joua une symphonie de gargouilles. Le lendemain, la maman de Noni avait préparé pour le dîner des légumes sautés à la sauce soja. Elle était certaine que cette fois, son petit chéri ne pourrait pas y résister. Il adorait vraiment ça. « Mon amour, regarde ce que nous mangeons ce soir. Tu es content ?»« Non, maman, je ne suis pas contente du tout, du tout, du tout. Tu sais, je n'aime plus les carottes, plus les brocolis non plus, et encore moins les courgettes. »« Enfin, mon cœur, ça devient grotesque. » Alors allons-y, allez, explique-moi cette fois pourquoi tu n'aimes plus ni les carottes, ni les brocolis, ni les courgettes, dit la maman de Noni. Eh bien, tu sais maman, mon super poteau, Lix, eh bien il n'aime pas les carottes, il n'aime pas les brocolis et il n'aime pas les courgettes non plus. Et moi je suis comme lui, tout pareil. De la fumée sortait des oreilles de la maman de Noni tant elle retenait sa colère à l'intérieur. « Mais toi, tu aimes tout ça, mon chéri. Et depuis que tu es tout petit, tu as toujours eu beaucoup de curiosité pour les épices, les aromates, les légumes. Alors pourquoi vouloir absolument perdre cette immense qualité ? Je te l'ai toujours dit, 9 fois sur 10, la curiosité est loin d'être un vilain défaut. Et chez toi, elle est le plus beau des dons. Ne gâche pas tout ça juste pour être comme les autres. Ce qui est amusant d'ailleurs... c'est qu'en grandissant, tu verras, tu seras très heureux d'être différent. Quand on est petit, on veut ressembler à tout le monde. Puis peu à peu, on comprend qu'avoir des particularités, des différences, est une grande force. Ces petites choses font que tu es toi et pas le voisin. Que tu es unique. Oui, eh bien, pour l'instant, moi je suis petit et je n'ai pas encore envie de ressembler à moi, mais plutôt à mes copains. Ce que la maman de Noni ne soupçonnait pas, c'est qu'il y avait une raison pour qu'il veuille ressembler à ce point à ses copains. Noni se sentait différent. Dès que la fin de journée approchait, à l'école, il avait le cœur gros. Il pensait à ses copains, qui pour la plupart allaient retrouver leur papa et leur maman, tandis que lui ne voyait presque jamais ses parents en même temps. Il retrouvait soit son papa, soit sa maman après l'école. Jamais les deux ensemble. Ou rarement. Et il n'aimait pas cette émotion, cette sensation, cette impression de ne pas avoir une vraie famille. Depuis la rentrée, cela le rendait triste. Le mercredi, lendemain de l'affaire des carottes, brocolis et courgettes, Noni refusa les asperges qu'avait préparées sa maman parce que son ami Raph ne les aimait pas. Cette fois non plus, sa maman ne se mit pas en colère. Elle eut juste une phrase mystérieuse qui éveilla l'imagination de son fils au point de le faire rêver toute la nuit. « Mon amour, j'ai toujours rêvé de partager un peu de la magie de la vie avec toi. Mais si tu ne m'écoutes pas et que tu n'en fais qu'à ta tête, mais tu vas tout rater !» Sa maman avait dit ça avec un air désespéré. Puis elle avait commencé à débarrasser la table en marmonnant. « Secret, vous êtes de vrais casse-pieds. De sacrés casse-pieds. Le jeudi, Noni eut la surprise de voir son papa arriver pendant son dessin animé, peu avant de se mettre à table. « Youpi !» hurla Noni. Tandis qu'il regardait son épisode des Cités d'Or, il entendit son papa et sa maman chuchoter au fond de la cuisine. « Pourquoi vous parlez doucement ?»« Ce n'est pas poli les messes basses !» dit Noni. « Et puis je croyais qu'on pouvait tous dire. C'est pas la peine de me répéter ça sans arrêt si c'est pour parler tout bas pour que je n'entende pas. » Le papa et la maman de Noni semblèrent très gênés. À table, Noni refusa la salade de fenouil et le chou-fleur en béchamel. « Écoute, ça suffit, Lovia. Dis-lui !» dit le papa de Noni. « Je n'en ai pas le droit. Je peux rompre le charme et ne plus jamais les revoir si je fais ça. » J'ai déjà fait la bêtise de te le raconter à toi. Mais papa, maman, mais de quoi parlez-vous? C'est un secret que tu dois découvrir tout seul, Noni. C'est un grand privilège qui ne s'offre qu'aux enfants qui mangent des légumes jusqu'à être des adultes. Mais je ne peux pas te dire quoi. Oh, je suis vraiment désolée, mon cœur, je ne peux pas. Oh, allez, tu es sûre? Dit le papa. La maman de Noni réfléchit en silence pendant de longues minutes. On voyait bien qu'elle était soucieuse. Tout à coup, elle se mit à regarder autour d'elle. Ferma la fenêtre, tira les rideaux, vérifia encore autour d'eux et chuchota à Noni. « Mi amor, tu crois que tu pourrais vraiment, vraiment, vraiment garder un secret si je te le confie ?»« Oh oui, maman, je peux y arriver. Promis, promis, promis, promis. » La maman de Noni regarda son papa. Noni voyait bien qu'elle hésitait encore. Il se disait que ce devait être quelque chose d'extrêmement sérieux pour qu'elle soit si mystérieuse. « Viens, mon chéri. Pas ici, c'est trop risqué. Un voisin pourrait nous entendre. Viens, on va dans ta chambre. » Une fois la porte fermée, assis ensemble sur le lit de Noni, le visage de sa maman s'était transformé. Elle avait des paillettes plein les yeux et paraissait très excitée. Oh mon amour, c'est un grand moment. Je vais te révéler le secret des fées des courgettes. Tu comprendras pourquoi les parents qui mangent des légumes vous embêtent autant pour que vous en mangiez vous aussi. Ce n'est pas juste pour que vous soyez en bonne santé, même si bien sûr c'est important. En réalité, c'est surtout pour que vous puissiez voir apparaître les fées des courgettes. La recette est simple. Chaque enfant, d'où qu'il vienne et quel qu'il soit, peut réaliser ce petit miracle. Il suffit de manger des légumes, les plus variés possibles, et il paraît que ça fonctionne encore mieux si on ajoute des fruits. Simple, non? Si l'on fait cela de sa plus tendre enfance jusqu'à ses 19 ans, sans jamais arrêter plus de 2 ou 3 jours, alors, pour nos 20 ans, les fées apparaîtront. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Oh, quelle surprise, quel émerveillement pour le premier petit déjeuner de mes 20 ans. C'était fantastique de les voir apparaître dans mes mains, sur mes genoux, assis sur mon assiette. Heureusement que j'adorais les légumes, sinon j'aurais raté ça. Comme papa, qui n'aime que les courgettes et les carottes. Lui, il n'en a vu qu'une fois, une seule. Trop nul. Noni coupa sa maman. Non! Oh là là, pauvre papa, mais s'il avait su! Les fées des courgettes font la taille de ton index environ. Elles apparaissent uniquement au moment des repas et offrent un spectacle incroyable. Il y a des fées garçons et des fées filles. Elles virevoltent, chantent, dansent, rient, se disputent, nous font des câlins, nous donnent des conseils, se cassent la binette en essayant de faire des figures en volant. C'est encore mieux que tous les dessins animés du monde entier. Oh maman, j'ai hâte de les voir. Maman, parle-moi encore des fées des courgettes. On les appelle ainsi parce que même si chacune d'elles a une magnifique tenue inspirée par un légume ou un autre, ce sont dans les fleurs de courgettes que les cigognes les déposent à leur naissance. Ce sont les plus soyeuses, donc les plus confortables. C'est aussi pour ça qu'elles font de délicieux beignets. Maintenant, viens mon amour. On va se régaler avec un bon repas de légumes et moi je te raconterai ce que font les fées qui sont avec nous ce soir. En approchant de la table, la maman de Noni dit Tu vois mon cœur ? Là, tu en as deux qui viennent d'apparaître sur ton épaule. Elles dansent une sorte de polka. La première a une robe en épi de maïs toute dorée, elle est magnifique. L'autre est toute ronde et rouge, très rigolote. Tomate cerise, je dirais. T'as vu son chapeau ? Oh non, pardon, c'est vrai que tu ne les vois pas encore. Mais bientôt, bientôt. Les enfants, ne répétez jamais, au grand jamais, le secret des fées des courgettes à plus de 5 personnes. Sinon, vous pouvez annuler la magie de cet incroyable sortilège. Gardez bien cela pour vous et mangez le plus de légumes possible pour que les fées vous apparaissent dès que vous en aurez l'âge. Et vous savez quoi ? J'ai déjà hâte que vous grandissiez pour avoir la chance de découvrir vous aussi ce spectacle extraordinaire. Bonne chance, bon appétit et surtout... Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre.